François Morel, c'est à vous. J'ai reçu une invitation qui m'a surpris, qui m'a, je ne m'en cache pas, un peu tourneboulé, un peu chamboulé. Je suis heureux ce matin de pouvoir partager mon désarroi. Il s'agit d'une invitation Facebook reçue la semaine dernière et ainsi libellée. Christophe Girard vous a invité à aimer Christophe Girard. Je connais un peu Christophe Girard, adjoint à la mairie de Paris, pour l'avoir croisé sur un tournage. À chaque fois que je l'ai rencontré par la suite, nous avons échangé des poignées de main et des sourires cordiaux, mais sans plus, j'étais loin de penser qu'un jour, je recevrais par courrier électronique ce message sans ambiguïté, cette approche finalement assez frontale, cette réinterprétation moderne de l'amour courtois. Christophe Girard vous a invité à aimer Christophe Girard, qui dénonce une sorte de schizophrénie chez Christophe, un trouble dissociatif de l'identité, se dédoublant quand il s'agit de solliciter une relation poussée. Découvrant cette invitation, j'apprenais aussitôt, un peu déconcerté, un peu rassuré aussi, que cette sollicitation amoureuse n'exigeait pas l'exclusivité, puisque l'on m'indiquait dans la ligne juste en dessous que Caroline Loeb et 49 autres amis aimaient ça. Aimer quoi? Aimer ça? Là encore, je m'interrogeais, que désignait ce « ça » Christophe Girard lui-même, ou l'invitation d'aimer Christophe Girard? Christophe Girard, personnalité politique, pouvait-il être réduit à ça? Non, sûrement pas. Dans quel imbroglio amoureux étais-je précipité? Je connais un peu Caroline Loeb, j'ai beaucoup d'estime pour elle, je l'ai également croisée plusieurs fois. Je m'interroge sur ce projet de vie qui consiste avec elle et 49 autres personnes à aimer Christophe Girard. Là encore, je ne peux m'empêcher de me questionner. Christophe a des responsabilités politiques importantes à la mairie de Paris. Caroline est occupée par de nombreux projets de chansons, de spectacles, notamment celui qu'elle fait sur Françoise Sagan. Moi-même, je suis pris par divers programmes plus ou moins artistiques. Comment pourrions-nous sérieusement envisager un avenir commun, accompagné qui plus est de ces 49 amis que je connais plus ou moins, parfois pas du tout, et qui certainement, eux aussi, ont des occupations professionnelles, des engagements sentimentaux, des charges familiales. Christophe Girard vous a invité à aimer Christophe Girard. Je suis touché, Christophe, naturellement, extrêmement touché. Mais n'est-il pas préférable que l'un et l'autre, chacun de son côté, Caroline aussi et les 49 autres personnes également, prenions la peine de réfléchir, peut-être de mettre tout à plat et de ne pas nous embarquer dans une histoire qui pourrait nous dépasser, qu'un jour les uns et les autres, peut-être nous pourrions regretter. Voilà, pour l'instant, l'état de mon cheminement intérieur concernant cette invitation, qu'évidemment je n'ai pas pris à la légère. Christophe Girard vous a invité à aimer Christophe Girard, ne le prenez pas mal. Christophe, n'imaginez aucun ressentiment à votre égard, ne croyez pas que je vous méprise, que je vous dédaigne, que je vous rejette. Simplement, François Morel réserve la réponse de François Morel. Merci François.